Y'a pas d'enlèvement sans rançon. Et y'a pas d'escadrille sans qu'il y ait gros son. Trop d'injections de bitume dans nos chansons. Et notre album est libérable sous caution. Ils veulent écouter notre son. Y'a pas d'enlèvement sans rançon. Et y'a pas d'escadrille sans qu'il y ait gros son. Trop d'injections de bitume dans nos chansons. Et notre album est libérable sous caution. J'suis tellement old que j'suis en clash avec une boîte au LED. J'ai un récit meurtrier inspiré par un 9mm. J'suis tellement cramé que j'me jette dans le public quand ils allument les briquets. Nous on baise la République, on respecte tout le monde, mais y'a qu'un pas à franchir. On arrive avec un album et un paquet de bif à blanchir. La rage du ghetto, César Trezo, bouche des os. Comme on dit, qui veut du bif n'a pas de raison, Renoir. T'es qu'une blague comme le roi Enoch. Toi et ton groupe, vous ressemblez aux New Kids on the Block. On a tout misé, atomisé, les bacs à 10. Tous les rappeurs veulent big rap de l'extasique. Les murs ont des oreilles, on met un casque dessus. Ouais. C'est tout pour l'oseille, jamais on crache dessus. On monte comme le tarot du senseux. C'est parce qu'on tue qu'on est là, faut pas nous traiter de chanceux. Non. Une esquive, une sèche, c'est la civière. L'album le 12 décembre, donc ça va chauffer cet hiver. Depuis le temps qu'on attend, c'est battant sur un battement. Ne me dites plus que c'est pas maintenant. Ils veulent écouter notre son. Y'a pas d'enlèvement sans rançon. Et y'a pas d'escadrille sans qu'il y ait gros son. Trop d'injections de bitume dans nos chansons. Et notre album est libérable sous caution. Ils veulent écouter notre son. Y'a pas d'enlèvement sans rançon. Et y'a pas d'escadrille sans qu'il y ait gros son. Trop d'injections de bitume dans nos chansons. Et notre album est libérable sous caution. Moi j'ai des ghetto youth. Pour basse solide et massive, les tours des M6 par SIS, mais les deux avions arrivent. L'escadrille, c'est V16, c'est V13, pas vrai goose. Mais les M6 croient malin, on popore comme des V12. Hein. Notre putain de scud peut pas sortir sans passer par les tests de mecs. Tellement dans la merde qu'on dirait qu'ils sont nés par les fesses. Hein. Quoi? Normalisé dans ce monde d'enculé, sens-tu les vapeurs? Une odeur de cadavre, mais sens-tu les rappeurs? Les mecs écoutent avec un casque à cause de nos images qui frappent. Disent les autres sont pas mauvais, mais moi je kiffe. Ah, oh bâtard, tous par terre. On va tout lever, les auditeurs un peu raidis. Ils sont pas censés nous sauver. La dalle a forgé nos réflexes, ils comprennent pas. Chacha direct arrache les chefs comme Mohamed dans Koh-Lanta. Couche nos culs, vu qu'ici personne veut faire nos. La preuve, dès qu'un mec arrive, tout le monde crie c'est mon bolos. 13 et moi, équipés comme pour faire de bonnes journées. Quand tu comptes et que tu dis ah j'ai bien tourné. Même ce petit bâtard Truso, il peut pas nous apprendre la débrouille. Monsieur Montgolfier s'est inspiré de nos couilles. Ils veulent écouter notre son. Y'a pas d'enlèvement sans rançon. Et y'a pas d'escadrille sans qu'il y ait gros son. Trop d'injections de bitume dans nos chansons. Et notre album est libérable sous caution. Ils veulent écouter notre son. Y'a pas d'enlèvement sans rançon. Et y'a pas d'escadrille sans qu'il y ait gros son. Trop d'injections de bitume dans nos chansons. Et notre album est libérable sous caution.